En Corée du Sud, les organisations ouvrières, y compris la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud, ont tenu une conférence de presse le 28 juin sur la place de Gwanghwamun à Séoul pour condamner la répression du mouvement ouvrier par les autorités, apprend-on du journal sud-coréen Le Travail et le Monde. D'autre part, le journal internet sud-coréen Jeju Sibo annonce qu'en demandant la dissolution du Parti de la Corée libre, opposition conservatrice, les Sud-Coréens de différentes couches, notamment les jeunes étudiants, se réunissent en meeting de protestation tous les jours devant le siège de ce parti à Séoul.